الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها الإخوة الكرام عنوان هذه الخطبة ثمان وصايا إلى حجاج بيت الله الحرام فإليكم ثمان وصايا أوصي بها نفسي وأوصي بها إخواني وأخواتي ممن أراد أن يحج ممن اختاره الله عز وجل للقيام بهذه الوظيفة الشريفة وبهذا العمل الكبير الذي هو ركن من أركان الإسلام شخص عباد الله craignez votre Seigneur et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. » Chers frères et sœurs, le titre de ce discours du vendredi, « 8 conseils aux pèlerins ». Donc voilà, 10 conseils, 8 conseils pour moi-même et mes frères et sœurs qui ont décidé de se diriger vers la maison sacrée d'Allah à la Mecque. Ce qu'Allah a choisi pour affronter cette noble tâche et cette œuvre immense et ce pilier de l'islam qu'est le pèlerinage. Ayyuha al-mu'minun. أول هذه الوصايا أن يحضر المسلم والمسلمة النية أن تكون له نية صحيحة والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم والأحاديث والآيات التي تتحدث عن قضية النية والإخلاص كثيرة لا تخفى عليكم فيا عبد الله هل فكرت قبل أن تسافر ما الذي يحركك تجاه بيت الله العتيق هل تريد بذلك وجه الله وهل تريد بذلك مقصدا دنيئا ليقول عنك الناس أنك حجيت هل تقصد بذلك أن يقال إن فلانا قد حج 50 حجة أو 40 حجة أو 10 حجاج أو غير ذلك هل هذا المقصد هل هذا مطلبك هل فكرت هل جلست مع نفسك لتصحح نيتك ولعل من حكمة الله تبارك وتعالى البالغة أن جعل البيت الحرام وأكنافه بواد غير ذي زرع لا يجدون فيه خضرة وبهجة ومناظر جميلة إنما جعله الله عز وجل في بلد ومن أكثر بلاد الدنيا حرا إنما هي أرض تحيط بها الجبال ليس فيها ما يطرب السياح ومن ثم فإنه ليس ثمة مجال لأن يذهب الواحد من أجل الفرجة ومن أجل البهجة الذي يذهب إلى ذلك المحل يذهب لنيل رضا الله عز وجل وحده يذهب إلى مكان يكثر فيه الزحام ويحتاج معه إلى كثير من الصبر وكتم النفوس عن شهواتها ولذاتها ومألوفاتها. Chers croyants, le premier conseil est le fait d'avoir une bonne intention en partant au pèlerinage. Que ton intention soit pure, car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que les œuvres qui sont sincères. Allah dit dans le Coran, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et Allah dit également dans le hadith al-Qudsi, je suis au-dessus de toute association. Celui qui accomplit une action en m'associant quoi que ce soit, je le délaisserai et son association, rapportée par Imam Muslim. Et les versets et les hadiths parlant de la sincérité et de la bonne intention sont très très nombreux. Vous en connaissez sûrement beaucoup. Donc, ô musulman, as-tu réfléchi avant de voyager? Qu'est-ce qui t'a décidé de te rendre vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala? Désires-tu par cela Allah subhanahu wa ta'ala seul et son visage? Ou bien désires-tu un but médiocre qu'ont certains musulmans, le fait qu'ils soient appelés Hajj en revenant? Et si on ne l'appelle pas ainsi, certains d'entre eux se mettent en colère. Ou bien ton désir est-il que l'on dise « Mashallah, un tel a fait le pèlerinage 50 fois, 40 fois, 20 fois ou 10 fois. » Est-ce que cela est ton but? As-tu réfléchi à cela? As-tu pris le temps de corriger ton intention? C'est peut-être pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, a fait que sa maison et ses environs se trouvent dans une vallée sans agriculture, sans végétation. On ne trouve pas à la Mecque de verdure, ni végétation, ni de beaux paysages. Allah a fait que sa demeure soit dans un endroit qui est un des plus chauds au monde, sur une terre entourée de montagnes, rien qui ne charme les touristes. C'est pour cela que personne ne part à la Mecque pour se détendre ou pour se promener. Celui qui part à la Mecque part pour obtenir l'agrément d'Allah. C'est un endroit plein de monde, plein de foule, ce qui demande beaucoup de patience, de privation, des plaisirs et des habitudes. إخوة الإيمان ثم الوصية الثانية أن تختار رفقة طيبة صالحة لأن الصحبة لها أثر على الإنسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك من ريحه وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله رواه أبو داود. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نجلس مع الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا الصاحب الذي اخترته لمرافقتك في الحج لربما أفسد عليك حجك ولربما كان كثير اللغو واللمز والسخرية بعباد الله وكثير الكلام في غير حاجة ولربما كان مجادلا فأوقعك في الجدال الذي نهى الله سبحانه وتعالى حجاج بيته في قوله لا جدال في الحج ولربما كان من أصحاب الرفث فتكلم عندك بما لا يليق من الفحش من القول فدنس عليك حجك وأبطل أجرك ولربما رجعت بخف حنين ليس لك من حجك إلا العناء والسفر والتعب عياذا بالله. فاختر رحمك الله رفيقا طيبا صالحا يعينك على طاعة الله عز وجل ولا يعينك على طاعة الشيطان. شفع غسر. Le deuxième conseil, le fait de choisir pendant le pèlerinage des camarades bons et vertueux. Car même si la personne part seule, forcément là-bas dans son groupe, elle va forcément se lier avec quelqu'un. Donc il faut choisir des gens bons et vertueux et sérieux. Et les textes sont très nombreux, montrant l'impact qu'a le camarade sur son compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la bonne compagnie et la mauvaise compagnie sont semblables au parfumeur et au forgeron. Le parfumeur, soit il te réjouira, soit tu lui achèteras du parfum, soit tu profiteras de sa bonne odeur. Quant au forgeron, soit il brûle tes habits, soit tu subiras sa mauvaise odeur. Donc il n'y a aucun intérêt dans la mauvaise compagnie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans notre hadith: l'homme suit la religion de son compagnon. Donc là, notre vous doit faire attention qui il choisit comme compagnon, rapporté par Abu Daoud. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous ordonne de rester en compagnie des gens pieux. Il nous dit: faites preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Donc, chers frères et sœurs, cette personne que tu as choisie pour être ton camarade pendant le pèlerinage peut lui-même annuler ton pèlerinage. Peut-être qu'il ne parle que de futilité, il se moque des gens, il calomnie sur les gens, ou peut-être qu'il parle énormément, il est bavard, sans intérêt. Peut-être qu'il fait beaucoup de polémiques et de débats et qu'il te fait tomber dans ce qu'on appelle el-jidal, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit en disant: la jidal fil hajj, il n'y a pas de débat ni de polémique pendant le pèlerinage. Peut-être même qu'il est grossier et qu'il prononce des paroles grossières à la Mecque pendant ses jours bénis, et il entache par cela ton pèlerinage et diminue ta récompense. Et tu ne rentreras de ton pèlerinage qu'avec la fatigue, le voyage et les difficultés. Choisis donc un compagnon bon et pieux qui t'aide dans l'adoration d'Allah et ne t'aide pas dans l'obéissance du diable. Ibad Allah, al-wasiyatu thalitha, hadhihi al-wasiyya tattasil bimalik binafaqatik fil hajj. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وكل واحد منكم يعرف الحديث الشهير الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. والله عز وجل قد أخبرنا عن حال المرابين الذين يتعاملون بالربا. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، يعني يبطله فتذهب بركته في الدنيا. فإذا عملت به عملا صالحا أو تصدقت منه لم يقبل الله ذلك منه، فهو ممحوق البركة. وهكذا كل كسب خبيث رديء فإن الله عز وجل يمحقه. وفي الحديث الذي ذكرناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. وإنسان ما سافر إلى مكة لأداء مناسك الحج إلا لاستجابة دعواته، فبسبب ماله الحرام يذهب إلى مكة ويدعو يرفع يديه فلا يستجيب الله له عياذا بالله. Chers serviteurs d'Allah, le troisième conseil, est lié à ton argent pendant le pèlerinage. Il faut qu'il soit licite, du premier euro jusqu'au dernier. Car Allah subhanahu wa ta'ala est bon et n'accepte que ce qui est bon. Tout le monde connaît le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita le récit d'un homme qui prolonge son voyage. Il est en voyage, hirsute et poussiéreux. Il tend ses mains vers le ciel en disant: « Oh Allah, oh Allah !» Alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites et il se nourrit d'illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: « فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Comment serait-il exaucé, rapporté par Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans le Coran de ceux qui consomment les intérêts en disant: Allah anéantit l'intérêt usuraire. Yamhaqullahu riba. C'est-à-dire qu'il le rend nul, sans bénédiction ici-bas. Si tu fais avec cet argent une bonne œuvre, ou donnes une sadaqa, Allah n'accepte pas cela de toi. Car ton argent, sa baraka, est anéanti, et également tout argent illicite et mal acquis, Allah subhanahu wa ta'ala l'anéantit. Le pèlerin, en se rendant à la Mecque, il désire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Il désire qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses invocations et ses demandes. Et pour peut-être une petite somme illicite et mal acquise, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera rien de cela. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، الوصية الرابعة أن يكون عملك في الحج متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله عز وجل: عملا صالحا، أي عملا صوابا، ولا يمكن للعمل أن يكون صوابا إلا إذا تابعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه، متفق عليه. فالله عز وجل لا يقبل من الدين إلا ما شرع، ولذلك من أراد أن يقبل الله حجه وسعيه وجميع أعماله فعليه أن يتعلم المناسك وأن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. وفي شأن الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، معنى ذلك تعلموا مني مناسككم في الحج. رواه الإمام البياقي بهذا اللفظ، وأصله في صحيح مسلم. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء. ومن ضمن الأمور التي علمنا إياها صلى الله عليه وسلم كيف نحج. الله عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليبلوكم يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا. لم يقل الله أكثر عملا، أيكم أكثر عملا، لأن من المسلمين من يفكر في كمية العمل، كم حججت، كم صليت، كم صمت. والله عز وجل يقول أحسن عملا. الله عز وجل يركز على الكيفية والإحسان والإتقان. فليست العبرة بكثرة العبادات، العبرة بالإحسان والإتقان في العبادات. ركعتين صليتها متبعا فيهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عشرات الركعات التي صليتها بدون مبالاة وبغير إتقان وبغير إحسان. فكم من حاج لا يزداد من الله إلا بعدا ومقتا وطردا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا هو المعنى الذي خلق الله من أجله الموت والحياة، إحسان العمل وإتقانه. شاوزنه. Le quatrième conseil: il faut que tu suives dans tes œuvres la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran: quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration avec aucun autre à son Seigneur. Et une œuvre ne peut être bonne, car il a dit, des bonnes actions, que si elle est en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit, celui qui innove en islam des choses contraires à notre enseignement, ses actes seront rejetés, rapportés par Al-Bukhari ou Muslim. Donc, chers musulmans, on n'accepte comme adoration que les choses légiférées, que les choses légiférées dans le Coran et dans la Sunna. C'est pour cela que celui qui désire que son pèlerinage soit accepté, il faut absolument qu'il apprenne les rites du pèlerinage et qu'il apprenne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le pèlerinage. En ce qui concerne le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lors du pèlerinage d'adieu, khudhu anni manasikakum, c'est-à-dire prenez de moi vos rites, apprenez de moi comment on fait le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que ce soit une croyance chez tout musulman. Il faut qu'il sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné de ce qui nous est utile ici-bas. Et parmi les choses qu'il nous a enseigné sallallahu alayhi wa sallam, la manière d'accomplir le pèlerinage. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Allah dit donc, le meilleur en œuvre. Il n'a pas dit celui qui fait le plus d'œuvres, car beaucoup de musulmans ne pensent qu'à la quantité des œuvres. Combien de pèlerinages, combien de raka'at, combien de jours jeûnés, ce n'est pas ça le but. Le but est que nos œuvres soient les meilleures, c'est-à-dire les plus parfaites possibles. Et les adorations faites le plus parfaitement possible sont celles qui sont en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le plus important est la qualité de tes adorations. Peut-être que deux raka'at accomplies en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont meilleures auprès d'Allah que des dizaines de raka'at accomplies sans suivre la sunna. Donc combien de pèlerins accomplissent le pèlerinage plusieurs fois, mais cela ne fait qu'augmenter leur éloignement d'Allah. C'est pour cela qu'Allah donc a créé la vie et la mort afin de voir qui d'entre vous est le meilleur en œuvre. Et il va dire quoi tout le Et l'ouassiyat ul khamisa, elle istifada tu min al waqt. Fa'ala al muslim, elle yastafida min awqatihi fi al hajj wa fi ghayr al hajj, wa yastariqaha fi ta'atillahi azza wa jal min salatin wa tilawatin al quran wa dhikrin wa qira'atin fi al kutub al nafi'a wa mudarasatin al ilm al nafi'a. Wa hadha yatimu bi'ikhtiyar al rufqati al saliha. التي ذكرناها في الوصية الثانية فإن الحاج ما خرج من بلده وترك أهله إلا لطلب الأجر والثواب وهو يرجو أن يعود وقد غفر الله له ذنبه فعليه أن يغتنم الأوقات الفاضلة في الأماكن المقدسة وعليه أن يحذر من إضاعة الوقت فيما لا نفع فيه ككثرة النوم وكثرة الجولات فمن الناس من يظن أن الحج سياحة يصلي صلوات الخمس في المسجد وبين الصلوات يتجول في شوارع مكة وفي شوارع المدينة أوقاته كلها تسويق وجولات في الأسواق. هل هذا سافرت؟ تريد أن تشتري؟ اشتري من هنا. أنت سافرت لعبادة الله وحده لا شريك له، لأن هذه الأوقات لا تعوض وقد ستندم عليها يوما من الأيام. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه الإمام الطبراني. Le cinquième conseil, le fait de profiter de son temps. Il faut que le musulman profite de son temps et le remplisse par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le pèlerinage. En priant, en lisant le Coran, en faisant des invocations, en lisant des livres utiles, en assistant à des cours, il faut que tout ton temps pendant le pèlerinage soit rempli d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela a lieu en choisissant un bon compagnon, comme nous l'avons dit pendant le deuxième conseil. Car le pèlerin est sorti de son pays, a laissé sa famille pour rechercher la récompense d'Allah, en espérant qu'au retour, tous ses péchés lui auront été pardonnés. Il faut donc qu'il profite des moments privilégiés aux endroits privilégiés. Et que le pèlerin prenne garde de ne pas perdre son temps dans les choses sans intérêt, comme le font beaucoup de personnes pendant le pèlerinage. Ils passent leur temps à dormir et à se balader. À part faire des prières à l'heure, à la mosquée, à Médine et à la Mecque, ils passent leur temps à dormir, à manger et à se balader. Est-ce que c'est pour cela que le musulman fait plusieurs milliers de kilomètres pour dormir et pour se balader et pour faire des achats? Non, il faut que le musulman remplisse tout son temps par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les achats, tu consacres un après-midi pendant le pèlerinage et tu achètes tout et tu rentres en France. Mais sinon, avant cela, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ses périodes privilégiées et à ses endroits bénis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: personne ne quittera l'endroit du jugement le jour de la résurrection avant d'avoir été questionné sur quatre choses. Comment il a passé sa jeunesse, comment il a passé sa vie, comment il a gagné son argent, et comment il l'a dépensé, et comment il a mis en pratique sa science rapportée à l'imam, par l'imam Tabarani. Ibad Allah, al-wasiyatu al-sadisa fi tawbati al-nasuh. Fala budda min kulli hajin wa hajatin qabla al-safari an yufakkira fi tawba. أن يقلع عن جميع ذنوبه وأن يندم على ما فات. وهذه التوبة هذا أمر ليس له اعتبار عند كثير من الناس، فترى الواحد منهم يذهب إلى الحج ويرجع وهو متلبس بذنوبه، متدنس بخطاياه، وقد يستمر في ارتكاب ذلك حتى في الحج في الأزمنة الفاضلة والأماكن المقدسة، ولا يحدث نفسه بتوبة ولا يجري على باله إقلاع وندم. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن التوبة في الأزمنة الفاضلة لها شأن عظيم، والتوبة في الأمكنة الفاضلة شيء جميل، لأن الغالب في هذه الأوقات وفي هذه الأماكن إقبال النفوس على الطاعات ورغبتها في الخير، فيحصل الاعتراف بالذنب والندم على ما مضى. Chers serviteurs d'Allah, le sixième conseil, le repentir sincère. Il faut que le musulman, avant de partir, il se répente de tous les péchés qu'il a pu faire dans le passé ou bien qu'il fait encore à notre époque, afin de tourner une page sur sa vie, car le pèlerinage, comme vous le savez, pardonne, est une cause de pardon des péchés. Et malheureusement, cela n'a apparemment aucune valeur pour beaucoup de musulmans. Je vois beaucoup de pèlerins se rendre au pèlerinage, puis revenir, toujours liés à leurs anciens péchés et à leurs anciennes erreurs, pollués par ces mêmes erreurs et ces mêmes péchés. Peut-être même, certains reviennent pire encore qu'avant être partis. Peut-être même qu'ils ont même commis ces mêmes péchés pendant le pèlerinage. Donc, il faut que le musulman incite son âme à se repentir et il faut qu'il pense à délaisser les péchés et regretter. Allah subhanahu wa ta'ala dit au Coran: et répentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous récoltiez le succès. Et il dit dans notre verset: ô vous qui avez cru, répentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. أيها المؤمنون الوصية السابعة قضاء الدين والخروج من مظالم العباد. الدين سواء كان الدين لله تبارك وتعالى كالنذور والكفارات أو لأدمي كقرض أو أجرة أو ثمن مبيع ونحو ذلك، عليه أن يبادر بقضاء دينه قبل سفره لأنه لا يدري ما يعرض له. وكذلك من كان بينه وبين أخيه المسلم خصومة فعليه أن يصالح أخاه قبل سفره حتى لا يلقى الله عز وجل وفي قلبه شحناء وبغضاء تجاه أحد من المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا رواه مسلم. Le septième conseil, le fait de rembourser les dettes et de s'acquitter de tous ses devoirs envers les autres musulmans. Une dette, quelle qu'elle soit, envers Allah, comme les expiations ou les vœux ou les choses à rattraper, comme les jours de jeûne à rattraper ou toute autre chose, ou que cette dette soit envers les hommes, comme des prêts ou un loyer non payé ou un prix impayé. Il faut se dépêcher de rembourser ses dettes avant de voyager, car personne ne connaît ce qui peut lui arriver pendant son voyage. Également, celui qui est en querelle avec un de ses frères musulmans, il faut qu'il se dépêche de se réconcilier avec lui avant son voyage, afin de ne pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant dans son cœur de la haine et de l'animosité envers un de ses frères musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nous dit: les portes du paradis sont ouvertes chaque lundi et jeudi, et il est pardonné à chaque être qui n'associe rien à Allah, excepté celui qui a une dispute avec son frère. Allah dit alors, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, rapporté par Muslim. Ayyuha al-Muslimun, al-wasiyatu thaminatu wal-akhira, al-sabr. La budda fil hajji من الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أعظم ولا أوسع من الصبر، رواه الإمام البخاري. فمن خلال الحج يعرف العبد موقعه من هذا الخلق الكريم الذي هو الصبر. إن للعبد إذا تجمل بسلاح الصبر أجرا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الحاج، تذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج والعمرة بأنهما جهاد لا قتال فيه. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة بجهاد، ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين، رواه الإمام البخاري معلقا. فلربما مرضت في الحج، أو تعبت أثناء تنقلك بين المشاعر، أو لربما فقدت في الحج شيئا عزيزا عليك، أو لربما أحسنت إلى أحد وأساء إليك، ولربما ضاع مالك أو سرق، فلذلك عليك أن تعلم بأن هذا كله ابتلاء من الله تبارك وتعالى ليمتحن صبرك وثباتك وصدقك. وأكثر من قولك قدر الله وما شاء فعل. دائما الإنسان إذا أصابه ما يسوءه فليقول قدر الله وما شاء فعل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. Le huitième et dernier conseil, chers pèlerins et chers musulmans, la patience. Il faut absolument que le pèlerin soit patient pendant son voyage jusqu'à son retour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui persévère, Allah lui donne la patience, et aucun homme n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience. Et à travers le pèlerinage, à travers le hajj, le serviteur peut déterminer son degré par rapport à ce noble caractère qu'est la patience. Car le serviteur, s'il s'arme de patience, il recevra une énorme récompense, et cela lui permettra d'accomplir le pèlerinage dans la meilleure des conditions. Et rappelle-toi toujours, ô pèlerin, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que le hajj et la umra sont un jihad. Le prophète a dit jihad, la qital fi, dans lequel il n'y a pas de combat. Tu vas peut-être tomber malade pendant le pèlerinage. Tu vas peut-être être très fatigué lors des rites Tu vas peut-être perdre un objet cher à ton cœur. Peut-être que des gens auront un mauvais comportement à ton égard. Peut-être que tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ta valise, tu vas perdre plein de choses. Ou bien peut-être qu'on va même te le dérober. Hafidhallahu wa iyyakum idhalik. C'est pour cela qu'il faut donc que tu saches que toutes ces choses-là sont des épreuves d'Allah afin de t'éprouver et il désire tester ta patience, ta fermeté et ta sincérité. Et c'est une chose. Et si une chose désagréable t'arrive, dis alors qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. C'est-à-dire tel est le décret d'Allah qui fait ce qu'il décide. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, l'affaire des croyants est très étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Le musulman, tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, et ceci n'est possible que pour le croyant. Le prophète dit ensuite, s'il lui arrive une chose qui le réjouit, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est un bien pour lui. Et si au contraire, il lui arrive un mal, il patiente, et cela est un bien pour lui. Rapporté par l'imam Muslim, أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بلغ الحجاج إلى مقصدهم. اللهم بلغ الحجاج إلى مقصدهم. اللهم يسر عليهم أمورهم. اللهم يسر عليهم مناسككم. اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. قد غفرت لهم ذنوبهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.